Bonjour, bonjour à tout le monde. Ce matin, donc à l'émission Bric-à-brac AID, nous recevons un invité. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors voilà, ce matin, ce sera Jérémy qui nous expliquera un petit peu ce qu'il nous prépare de bon pour samedi soir. Bonjour Claudie. Bonjour. Bonjour Josie. Bonjour Momo, bonjour tout le monde. Et bonjour Gilles, mon second technique. Ouais, en cas où il y aurait une coupure. Ils se battent pour travailler pour nous, ils se battent. Voilà les filles, je vous laisse Jérémy. Voilà, oui, donc nous allons commencer par l'interview de Jérémy qui va nous parler de ses manifestations. Donc il y a eu le Mix Art au mois de juin, il y a le Bellano, enfin c'était au Bellano, il y a samedi, il y a le Babylone. La Babylone, ouais. Et au mois de novembre, il y a encore la Mix Art. Donc on en parlera un petit peu. Voilà, après il y aura Culture avec un film Josie. Ouais, Radin. Après une sortie culturelle, sortie diverse, sortie insolite, truc de mamie. Et Monique va nous parler de ses courses. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, donc, Jérémy, bon, on se connaît. Hein, vous êtes déjà venu au mois de juin. Oui. C'est François qui vous a interviewé. Oui, tout à donc, fait. Donc, on va faire une petite figure de rappel. Allez. Alors, qui êtes-vous et que faites-vous? Jérémy Price, bientôt 34 ans, 1,77. Combien de kilos? Ah non, ça, je vais le garder pour moi. Quand même. Un beau gosse, marié, pas marié. Un beau bébé. J'organise des événements ou même je monte des concepts d'événements. Voilà, pour essayer d'amener des gens à faire la fête et au-delà de faire la fête aussi, des fois, à des moments, découvrir des artistes. Bon, ça, c'est important. Voilà. L'art, c'est important. Et je pense que vous venez d'ailleurs, même pas de Mars. Hein. Non. Bon, quoi que des non, fois. Même presque. Mais oui, je suis pas originaire d'ici, je suis originaire de la région parisienne. Et pourquoi êtes-vous venu dans le Vaucluse? Pourquoi? Parce qu'il fait beau, il y a le soleil et qu'on est à une heure de la plage, une heure de la montagne, contrairement à Paris. Ça, c'est vrai. Et puis c'est plus reposant. Quand même, faut le dire. Et puis quand même, Avignon, ça bouge quand même. Hein. Ça bouge. Oui. Mais aussi à Monteux aussi, hein, je trouve. Hein. Ça bouge pas mal quand même. Oui, Pernes, l'Île-sur-la-Sorgue. Oui, le Vaucluse quand même est un vivier d'artistes. Hein, on peut dire ça. Est-ce que Jordi, tu as une petite question? Non. Ah bah voilà, ça y est, j'étais partie dans des trucs. Non, j'écoutais. Je pensais à ce qu'on avait discuté au début. Là. C'est vrai que bon, c'est bien que tu sois venu de Paris dans le Vaucluse. Mm-hmm. Avant d'arriver dans le Vaucluse, qu'est-ce que tu faisais avec... Mais bon. Justement, j'étais organisateur aussi sur Paris. J'ai monté pas mal d'événements, comme la Babylone là, qui a lieu samedi. Oui. C'est déjà un concept que j'avais monté sur Paris et qui a tourné pendant plus d'un an, à une hauteur de une fois par mois. Donc... voilà, je pense qu'on va en parler. Pendant combien de temps, le Babylone à Paris? La Babylone, elle a duré un an. Ah, quand même. Et c'était une mensuelle, sur 12 dates. Ça fait 11 ou 12 fois. 12 dates. Ah, ouais. Après, en même temps, en fait, je cumulais 3 événements par mois à l'époque. D'accord. Donc, et après, justement, pourquoi la Babylone, je l'ai arrêté sur Paris? Parce que je suis venu après dans le... Et voilà. Donc, vous avez transporté vos idées. Voilà, ici. Et puis, pour faire découvrir aussi aux gens, voilà ce que j'ai pu faire sur Paris, voilà, et après voir ça plaît pas. Contrairement à la Mix Art, par contre, la Mix Art, ça c'est quelque chose qui a été fait ici. C'est innovant. Voilà. Oui. D'accord. On va faire une petite pause et on continue. Allez. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Comme un grain de sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. J'suis comme l'eau des courants, fatigue est ignorée. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. J'suis comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. Comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé attirée par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme rempli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec Jérémy qui va continuer à nous parler de ses manifestations. Il est concepteur d'événements. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que c'est difficile de transposer un spectacle à Paris, Paris. Dans le Vaucluse et est-ce Paris à ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? À Paris. À Paris. Ah oui, non, c'est le contraire. De Paris, dans le Vaucluse, est-ce qu'on est réceptif ? Par ici. Ben honnêtement, de ce que je peux voir, oui. Faut bousculer un peu les jambes peut-être. Bah bousculer, non. Je vois la mixarde, je m'attendais pas à autant de retours positifs de ça et puis des gens. Non, je par rapport à ta question, je pense pas que c'est. Je pense non. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Après tu proposes quelque chose, tu sais, c'est un petit peu comme un artiste qui va créer, tu proposes et après tu vois les retours. Donc je pense pas que c'est non. Non, c'est pas difficile. Et l'été, c'est quand même agité à Avignon. Tu fais des choses l'été ? Là, cet été, c'était un peu compliqué parce qu'en même temps, ça, comme tu le sais, je bosse aussi. J'espionne. Voilà. Et donc là, il y a eu le festival off. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Cet été, ça a été quand même calme parce que j'avais des choses à monter. Bah, justement, la Babylone. Donc juillet-août, voilà. Ça, c'était par rapport à la radio Osmose. Donc voilà, ouais. Tu reçois des artistes. Voilà, parce que j'ai mon émission, touche pas à mon art, où je reçois des artistes. Voilà, connus ou pas connus, ou qui méritent d'être connus. Bien voilà, sûr, qu'on fait découvrir. On est là pour ça. Hein, voilà, aussi, on est là aussi pour ça. Ouais. Et donc c'est vrai que juillet-août, pas trop là, mais parce qu'il fallait que je travaille sur la rentrée. T'es quand même occupé. Un peu. En parlant d'activité, je crois qu'il y a passé un moment, parce que nous on y est allé, hein, je me suis régalé. C'était. Oui, j'ai eu le bon retour. Voilà, c'était des transformistes qu'on est allé voir. C'est la soirée cabaret, qui a eu lieu à l'Artébar. Et ça, tu comptes le reproduire ? Oui. Ah oui, parce qu'en plus, c'est vrai que les retours au niveau des clients qu'il y a eu, au-delà aussi même de vous, de vos retours, il y a eu de très bons retours. Et je pense que c'était de qualité. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Des artistes de qualité. Oui. Et d'ailleurs, qui est passé à Touche pas à mon poste, c'était quand là, vendredi là. Ah d'accord. Oui, Victoria. Ah oui. Victoria est passée à Touche pas à mon poste. Bon, elle a fait un petit passage éclair. J'aurais aimé qu'on l'entende parler, mais bon là c'était plus c'est dommage parce que ils ont de la répartie. Hein. Oui, ils ont de la répartie. Je pense que TPMP, ils ont loupé un truc là parce que franchement, ouais, c'est dommage, ça valait le coup. Mais voilà, oui, non, c'était voilà des artistes de vrais de artistes de qualité qui tournent partout. Vous avez vu les costumes. C'est, ah oui, c'est ah oui, magnifique, hein, magnifique. Qui sont ouais. qui sont magnifiques. Donc oui, ça va. Oui, ça va se refaire. Après, quand ou pour l'instant, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il faut faire chaque chose en son temps parce que j'aime bien le faire. Donc voilà, là il y a Babylone en préparation de la Mixar, donc voilà. On fera passer le message pour les transformistes parce que. Oui, un gros bisou à Victoria Idol et voilà. Lola Vegas. Oh, voilà. Comme ça, allez, hop, c'est fait. On se quitte un petit moment et on revient. Donc Jérémy, on parlait de tes manifestations. Moi je te dis tu. Tout à l'heure je te dis. Mais... Te... Oh, tu peux tutoyer. On va pas faire semblant. Voilà, voilà. Voilà. Ça me. Je suis plus à l'aise. Fou, hein, voilà. Donc tu vas samedi, tu as une quand même une grande manifestation. Oui, un événement. Voilà, un événement qui va se passer au Bellano. Au Bellano. 2155 chemin de la Berthelas. Et c'est un endroit magique. C'est vrai, quoi. Oui. Oui, j'aime bien, moi. C'est vrai que t'as pas été, toi. Ouais, c'est non, j'étais. C'est la campagne. C'est la ville à la campagne. C'est la ville à la campagne. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes, là, ce samedi, et de quelle heure à quelle heure? Alors, la Babylone va commencer à 18h et va terminer à 1h30 du matin. Voilà, donc il y a des DJ qui vont se relayer. C'est de la musique électro, style deep house, deep vocal, sans que non plus que ça soit, tu vois, une musique, c'est pas du tout agressif, hein, c'est voilà, avec tout un décor qui va être sur mesure. Et voilà, et là justement, je me suis mis en collaboration avec Traquenard Auditif. Et ils font qu'est-ce que c'est Traquenard Auditif? C'est Traquenard. J'aime bien le mot. En fait, ils font des choses quand même assez sympas. À la base, c'est aussi un artiste. Donc, bon, je travaille souvent, tu avec vois. Avec lui. Non, pas. Mais là, c'est la. On va dire, c'est la première collaboration. Oui, tu mais l'as dit. Voilà, mais c'est quelqu'un de très gentil et comme je suis créatif et je pars des fois dans mes délires et à savoir ce que c'est réalisable ou pas, je sais pas. Mais moi, en tout cas, je vais jusqu'à fond. Et là, en fait, il va avoir toute une déco sur mesure qui va être phosphorescente. Wow. Mais si je dis tout, ça va pas. Voilà, il va plus avoir oui, l'effet oui, de surprise. Oui, oui. Mais il va avoir tout un tressage, un truc. Ça va prendre du temps parce qu'on va commencer à 9h du matin et ça commence à 18h. Ouais, donc vous allez être de 9h sous pression. De 9h à 17h, il y a toute la préparation, l'organisation, le montage de la déco. Donc c'est pas mettre deux ballons et voilà. Là, ça va être voilà. Grandiose. Attends, faut pas quand même avoir cette prétention quand même. Mais en tout cas, on donne on fait les choses nécessaires pour que les gens quand ils arrivent se disent ouais et pas. Comme une soirée qui est annoncée avec un DJ et puis, et la soirée se fait. Le but, c'est de faire rêver les gens. Ils passent la semaine à être à bosser comme des gros tarés. Donc si on arrive ne serait-ce que deux petites heures à leur voilà, à leur faire penser à autre chose et qu'ils ont passé un bon moment, moi je dis c'est plutôt génial. Après, il va y avoir aussi des performeurs qui seront présents. Alors il va avoir Cracheur de Feu, Jongleuse de Feu. Ah c'est bien ça. Voilà. Ça. Après il y aura une autre surprise. Je peux pas le dire parce que sinon la surprise ne sera pas là. Mais il va avoir un moment dans la soirée quelque chose qui va être sympa, surtout visuellement, visuellement parlant. Il y a une possibilité de se restaurer sur place. Oui. Alors les réservations sont fortement recommandées parce qu'il y a déjà pas mal de tables qui sont prises et je vais donner le numéro ma foi. Donc c'est le 06 99 34 99 65 ou au 06 24 06 39 86. Et c'est un menu? Oui, on est parti dans le délire avec Nicolas et Ludo. Et bonjour à Pompon. Qui se reconnaîtra. Qui se reconnaîtra, mais qui est le cuistot du Bellano. On est parti dans le délire de faire aussi un menu Babylone. C'est-à-dire ma menu Babylone, t'auras le choix entre trois plats, trois entrées, trois desserts si je ne m'abuse. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais je crois oui, c'est à peu près ce truc-là. Ça c'est pas la partie où oui, moi c'est pas je ton, voilà. Ça c'est ton domaine. Je laisse. Ça donc de toute façon, toutes les informations sur le site de Fly FM déjà. Hein, parce que je pense que Christine aura mis l'affiche. Oui. Et on va le redire tout à l'heure pour les réservations. Oui, bien sûr. Et puis, je pense que ça va être et donc ça va se situer dedans. Alors parce que tout dedans parce que la déco comme je l'ai dit ça va être après mis en lumière par des comment par des lumières noires, pardon, pour que justement ça fasse ressortir tout cet aspect phosphorescent et un peu dimensionnel. Donc à l'extérieur, il y aura une partie qui sera ouverte, mais pas la totalité de l'extérieur. Donc on va, ouais, on fait une petite pause et on se retrouve. Donc ça n'a pas marché là, quand on a parlé. On a parlé pour une dure. Mais on peut parler. Ah, d'accord. Bon, on continue. Bah, on continue, mais écoute, Jérémy. On peut parler, il y a plein de choses à dire. Hein, donc ça, y a pas de soucis. Moi, je suis en train de penser que ce serait bien que tout le monde vienne en blanc dans, dans ta soirée, parce que je pense que ça serait pas mal. Après, c'est vrai que dans le délire, il y a des petites choses que j'ai mis en place. On a pris des crayons phosphorescents. Ouais. Et après, les clients, s'ils veulent, je sais pas, se marquer quelque chose sur leur peau, sur leur visage, oui, dessiner, voilà, ils pourront le faire parce que avec la lumière, ça va reprojeter, voilà, cette encre qui va devenir phosphorescente. Et maintenant, après, dans le délire, si tout le monde se met blanc, c'est génial. Simplement, alors, oui, petit détail quand même, surtout pour les femmes. Si vous mettez du blanc, mettez au moins quelque chose d'opaque en dessous, parce que sinon... Ah ouais, je pense soucis. Qu'il y a plus d'un mec qui sera content. Mais il faut quand même... voilà, je vous dis ça pour vous, les filles. Hein, c'est, voilà. Alors, pour récapituler, donc, c'est l'entrée gratuite, on peut y aller. Exceptionnellement, oui, l'entrée est gratuite. D'habitude, l'entrée est payante, mais justement, là, c'est faire découvrir justement aux gens qui sont du Vaucluse justement qu'est-ce que c'est une Babylone. Et j'ai décidé que exceptionnellement, l'entrée était gratuite. Et pour le repas, on retient. Pour le repas, dans mes souvenirs, ce qu'on avait parlé avec Nicolas et Ludo, c'est un menu qui est à 20 euros. Donc, bon, ça reste pas. Et il est servi à quelle heure, tu le sais à peu près? Parce que c'est par rapport, parce que je vois que ça commence à 18h. Ça commence à 18h, mais c'est rare que les gens arrivent à 18h pour manger. Non, oui. Non, c'est pour ça, 20h, je pense. Oui, à partir de 19h, 20h, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Remarque, ça ouvre à 18h. Donc, si il y en a qui. Vous y allez à 18h, vous buvez un apéritif. Et voilà. Voilà, vous faites un bon repas. Voilà, et après, les filles, vous vous habillez en blanc, mais opaque dessous, faites très attention. À moins qu'il y ait derrière une injection de Miss quelque chose. Non. Et puis après, vous passez une bonne soirée, vous vous amusez jusqu'à 1h30. Jusqu'à 1h30, parce qu'il y a la partie bar, le restaurant, mais il y a la partie aussi dance floor aussi. Voilà, tout à fait. Les gens vont. Et boissons, modération. Oui, bien sûr. Et oui. Ben oui. C'est normal. Bon, ben elle me dit de continuer, donc on va continuer. Donc, je me souviens de la Mix Art qui s'était passée le 11 juin, je crois. Oui. Ouais, qui avait été une réussite. Je suis vraiment content de cette Mix Art. Donc, on avait trouvé que c'était très bien. Merci. Voilà. En plus, il faisait beau. Il faisait beau, il faisait bon, ouais, il faisait chaud. Il y a eu Carole qui nous a fait... Du moins. Ils étaient beaucoup en extérieur. Oui, oui. Mais remarque, ce qui est normal, vu la chaleur. Là, ils annoncent 20 degrés, ça m'a dit. Oui. Ah, c'est un peu plus... Ouais, mais la soirée va faire un peu... Ça m'a chauffé. Il pleut pas. Voilà, est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas? Il pleut pas, par contre, j'ai Non, il pleut pas, mais c'est vrai que, bon, je pense qu'il va faire quand même un peu frais. Mais on en avait parlé, justement, avec Nicolas et Ludo. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que ça s'est quand même beaucoup rafraîchi. Donc ça va être séparé. Il y a une partie qui va être séparée. T'as d'autres projets dans l'avenir que je sais pas si tu veux en parler, parce que je sais qu'on en a parlé hors antenne. Je t'attends au virage pour d'ici une année à peu près. Ouais. On va peut-être pas trop en parler pour l'instant. Mais t'es quelqu'un qui a quand même. Comme un panache, qu'on va dire. Tu essayes de faire un peu des choses différemment, dans le spectacle toujours. Ou pas automatiquement. Et si tu le fais, par contre, tu essayes de faire quelque chose de. Tu te loupes pas, quoi. Tu prends les moyens de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, apparemment. C'est ce que je cerne. Merci. Oui. Oui, mais j'essaie. Mais après, je ne fais pas non plus que des événements aussi pour le privé, ou même des patrons de boîtes ou qui recherchent, je sais pas, un cracheur de feu, ce que tu veux. Je book aussi donc des artistes sur d'autres lieux, ou aussi je fais des inaugurations. Par exemple, il y a eu l'inauguration de la galerie de l'atelier 58. Où c'est de l'événement. Je fais vraiment tout type d'événement. Je ne fais pas Faut pas croire comme quoi je fais que des, Gros événements. Comme ça aussi, il y a des événements et où je m'éclate. Hein, quand j'ai fait l'inauguration de l'atelier 58, qu'on avait travaillé ensemble avec Sylvie Bang Bang, c'était un vrai plaisir, un réel plaisir. Et tu travailles seul, je voulais te demander. Oui. Ah, bravo. Oui, mais je pense qu'il faut que je me fasse suivre. Pourquoi ? Suivre comme un psychologue ? Non, non, comment expliquer ? C'est pas du tout être mégalo et que tout revienne à moi, mais c'est que j'ai un gros souci, c'est que j'aime bien tout superviser. Parce non, que, oui. Comment dire ? C'est que si je le vois, je me dis que... Tu peux pas déléguer. Voilà. Et puis en plus, surtout quand je c'est ton bébé. Et surtout c'est ton quand bébé. Je mets des concepts comme ça, comme par exemple comme la Mix Art ou comme la Million, voilà, c'est quand même mon bébé. Donc. Et une fois, j'avais travaillé, je me suis dit, allez, on va travailler ensemble. Je vais faire rentrer quelqu'un entre guillemets dans mon univers. Ça n'a pas marché. Honnêtement, c'était catastrophique. Catastrophique. C'était pas fait en temps et en heure. C'était pas fait comme tu voulais toi. C'était pas ça quoi. Donc, toi, tu es le concepteur et tu as envie. Bon, on va se faire une petite pause et on va. Allez, on va essayer. Jamais 203, mais espérons. Je crois qu'il y a des énergies. You can run free, I won't hold it against ya. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. You still wanna keep on. Said you were fine, so for whatever reason. Sure we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. Voilà, on reprend la technique normalement avec le côté musical qui ne fonctionnait plus. Mille fois désolé. Je sais pas pourquoi. Non, je dis qu'il y a des énergies qui sont très fortes. On va faire venir un exorciste. Allez, je vous laisse la main. Voilà, allez, on continue avec Jérémy. Jérémy, qu'est-ce qui va se passer le 5 novembre? La Mixart de l'édition de cet hiver. Il y a deux éditions, une en été, une en hiver. Il n'y en a pas 36 000, hein, voilà. Parce que bah, ça se prépare, ça prend du temps, il n'y a pas qu'un artiste, voilà, parce que c'est une programmation, faut faire aussi avec les plannings aussi des artistes, de tout le monde. Puis là, je suis en train de travailler sur le décor, parce qu'à chaque fois, il y a une thématique. Remarque, dans tout ce que je fais, d'une façon ou d'une autre, à chaque fois, il y a un décor. Je pense que vous l'avez vu au cabaret. Oui, on l'a vu. Le cabaret. Tout a été retransformé. Le thème, c'est quoi? Oui. Là, je me suis pas trop foulé. Hein. autant bien, c'était Mixart Jungle. Là, je me suis dit, allez, Mixart Winter. Donc, comme tu peux l'entendre, je me suis pas trop foulé. Tu vois, c'est pour ça que les gens doivent venir. Ah non, c'est ça me dit. Voilà, venez avec un polaire. Là, il faut un bonnet de laine. Les skis. Non, mais. Non, là, je dis pas. Le thème, c'est l'hiver. Le thème, c'est l'hiver. Le thème, c'est l'hiver. Maintenant, bon, j'en rigole. Mais non, après il y a tout un décor, voilà, j'imagine, qui va tourner autour. Je ne peux pas le dire parce que le but c'est de la surprise, de faire la surprise et de faire rêver les gens, et qu'ils ont l'habitude de voir le Bellano comme ça, même pour certains clients qui viennent régulièrement. Le but c'est que quand ils arrivent, ils revoient, voilà, le Bellano, mais différemment, avec un décor complètement. Moi je comprends que tu t'éclates. Oui, je m'éclate. En fait, ça, c'est sûr, je m'éclate. T'es un grand enfant. Oui, on est tous un peu. Ouais, hein, oui. grand T'aimes bien me faire rêver, en fait. Parce que là, tu me fais rêver, moi, quand tu me parles de j'imagine le décor, déjà, je le vois, t'as un décor. Ouais, grand enfant, je sais pas, mais. Grand enfant. C'est pas méchant. Hein. Non, mais créatif. Non, mais tu vas voir, elle va te demander ton thème et elle va te le faire. Non, parce que c'est j'y avais demandé, je me rappelle plus, tu vois, sans doute. Donc, alors, ça sera thème winter, et tu vas faire venir quel genre d'artiste? Alors, il va avoir artiste peintre, artiste photographe, un sculpteur très coté, ça je suis content. Il va avoir aussi, bah, comme à la Working Business, il va avoir un groupe aussi, voilà, musical. Il va avoir aussi des DJ. Il va avoir aussi, parce que c'est une forme d'art aussi, du visuel avec des artistes. Voilà, c'est déjà pas mal, parce que ça fait quand même beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup de choses à gérer, là, de gens à gérer. Oui. Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Donc, et je pense que tout, voilà, comme la première, il va avoir une super bonne alchimie. L'entrée sera payante. Toujours, parce que je pense pas honnêtement que c'est excessif, mais après c'est vrai que peut-être qu'on s'en rend pas compte, et ça je peux le concevoir, mais tout derrière, entre l'organisation et puis le décor, parce que c'est que des décors sur mesure. J'aimerais que tout ça, ça soit gratuit, même pour moi, mais c'est pas le cas. Possible. Donc voilà. Voilà. Et ça sera le samedi 5 novembre. Voilà. Et c'est à partir de quelle heure, tu le sais? Alors ça va commencer, c'est toujours en deux temps. Il y a une première partie qui commence donc à 17h jusqu'à 19h, mais ça c'est pour la partie donc Working Business, qui est ouvert qu'aux professionnels. Les gens se rencontrent au niveau des personnes qui touchent l'art, au niveau de la presse et au niveau des radios. Oui. Voilà. Et à 19h, l'ouverture est au public, et ce jusqu'à 1h30 du matin. Et là, il y a encore restauration sur place, alors? Tu as prévu ou pas? Ah oui, tout, comme la dernière toujours. D'accord. On ne change pas. Ce qui a été monté, c'est le concept a été monté comme ça, et il reste comme ça. Voilà. Voilà, Jérémy, est-ce que tu peux nous récapituler comment ça va se passer au Bellano samedi? Donc comme je l'ai dit, 18h jusqu'à 1h30, voilà. Petit quand même détail, mais quand même très important, parce que je suis content. Il va avoir donc DJ Nico F qui sera présent, et DJ Palawan, Deep Therapy Records, voilà, qui vont faire bouger et danser un petit peu tout le monde, avec, mais ça je l'ai dit aussi, la participation de Traquenard Auditif. Bonjour Benjamin. Bonjour Annabelle aussi. Bonjour Benjamin. Bonjour Ludo. Bonjour Nicolas. Bonjour. voilà. Bonjour Phil. Voilà. Voilà. Tout ça. Tu nous cites tes sponsors et on fait une petite. Oui, c'est gentil pour eux. Donc je remercie déjà quand même, parce que faut le dire quand même, Fly FM, parce que c'est vrai qu'on travaille ensemble. Vous me suivez. Vous m'avez fait confiance, et ça je tiens vraiment à vous en remercier. Vous êtes une équipe formidable. Surtout ne changez rien, vraiment. Ah, c'est sympa, Jérémy, merci. Non, non, mais c'est vrai, c'est, faut le dire. Après, je remercie aussi, parce que qui me suit depuis aussi le début, Philou, voilà, du Stax Club, voilà. Je remercie et je vous aime aussi, parce que ça, je voilà, Osmose Radio, voilà. Je comprends. Et une petite pensée, parce que faut que je le dise quand même à Dominique, tu me manques, et j'espère que de là où tu es, tu es heureuse, en tout cas, ou t'as plus mal. Voilà. Et je remercie aussi Friendly Radio aussi. Donc merci à David, merci à Nasser. Voilà, merci tout le monde, merci à vous, parce que sans vous, c'est hein. Et voilà, on n'irait pas bien loin. Et puis aussi, je remercie aussi tous les gens qui me suivent. Parce qu'il y en a pas mal qui partagent, qui like, et je tenais à les remercier, parce que grâce à eux aussi, voilà, ils font vivre les choses. Bien et sûr. Puis surtout, c'est eux qui font vivre mon rêve. Donc ça, c'est important. Bon, on fait une petite pause, hein, allez, petite et pause, après, on parlera d'autres choses. On stoppe Jérémy, parce qu'il n'arrête pas. Oui, oui, il nous il a l'habitude. Ah, oui. Hein. Tu restes avec nous, t'as fini. Yes. Voilà. Là. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Serre-moi le cœur, serre-moi encore. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 et Josie va nous parler de la radinerie. Ben oui, bon, pour sortir, faut pas être radin. Mais là, bon, il y a un film qui s'appelle Radin avec Danny Boone qui est sorti le 28 septembre 2016 et qui dure 1h29 et qui est de Fred Cavaillé avec Laurence Arnay qui accompagne Danny Boone. Alors François Gauthier, ben, c'est un radin, il économisait, ça le met en joie. Au plus il économise, au plus il est content celui-là. Et Monique, elle me dit slow, doucement. Elle est excitée. Depuis qu'elle a la bronchite, elle est excitée. C'est des antibiotiques qui me. Pourtant, c'est pas la cortisone, voilà. Alors, ben, payer, ben, ça lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l'unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer à une seule journée. Il tombe amoureux et découvre qu'il a une fille dont il ignorait l'existence. Obligé de mentir afin de cacher son véritable défaut, ce sera pour François le début des problèmes parce que mentir coûte très cher. Et coûte encore au plus cher, c'est parce qu'on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Malgré un scénario parfois incohérent, le film remplit parfaitement sa fonction de divertissement avec des personnages secondaires ou en couleur et des séquences comiques bâties sur l'excès. Donc, c'est pas la première fois que Danny Boone se plonge dans un film où il joue un personnage très près de ses sous parce qu'il avait joué aussi dans une comédie. Il n'y a pas de fumée sans feu, là. Hein. Il doit être radin à la vie. je sais pas. Je plaisante. Peut-être. Je plaisante. Il l'avait joué dans une comédie qui s'appelait La Maison du Bonheur où il était acteur, réalisateur, scénariste et il campait un mari radin. Ah, voilà. Les maris radins, il faut les jeter. Donc, non, le mien est parfait. Par contre, donc, pour petite anecdote, le lotissement où a été tourné le film, il existe vraiment. Il n'a pas été créé pour le film. Que Danny Boone, il a appris vraiment à jouer du violon avec une dame qui s'appelle Sarah Nemtanu. Premier violon de l'Orchestre National de France, Carmen. Quand même, mon Dieu. Donc voilà. Film comique, allez voir. Voilà, moi qui vous empêche pas de dépenser de l'argent pour les sorties. Là, oui, il faut quand même un peu faire travailler voilà. Le commerce. De toute façon, comme on le disait tout à l'heure à antenne, l'argent, on l'emporte pas. Voilà, au paradis. On ramène pas avec nous. Voilà. Et moi, je voulais parler du théâtre du Sablier à Orange, puisque nous allons les recevoir la semaine prochaine. Et là, ils ont un festival qui s'appelle Charivari, c'est le troisième. Donc le samedi, c'est pour les enfants, hein, mais enfin, moi, comme j'ai une âme d'enfant, j'adore les spectacles pour les enfants. Samedi 8 octobre, à 10h30, il y a la compagnie Croquetis, et ça s'appelle Léonard, l'enfant de la lune. C'est pour les enfants de 18 à 5 ans, ou alors les grands-enfants comme nous. À 14h30, il y a la compagnie Ditsa, Mission Broadway, à partir de 5 ans. À 17h30, il y a la compagnie Éclat de scène, qui s'appelle A Annabelle. Le spectacle s'appelle A Annabelle, à partir de 6 ans. Ça, c'est pour moi, 6 ans, c'est bon. Dimanche 9 octobre, à 10h30, au Théâtre du Rond-Point de Valréas, il y a le voyage de Choupette, de 6 mois, alors ça, c'est rigolo, 6 mois, à 5 ans. À 15h, au Théâtre de Lille, qui a dit Grand Méchant Loup, de 2 ans à 6 ans. J'allais dire de 2 mois, non, quand même. Voilà. Mais ben, tu as parlé de la lune, tout à l'heure. Non, j'ai pas parlé de la lune. Si, la lune. Non. Si, un endroit, je sais pas où, un moment, un spectacle. Non, c'est toi qui as parlé de la lune. Je suis dans la lune, alors. Oh oui, je crois qu'elle est vraiment. Alors, écoutez. Elle est shootée. Non, je suis pas shootée. À Jonquière, c'est samedi 8 octobre, ben, toujours dans les spectacles, à 20h30, il y a Les Oiseaux de Lune. Ah, voilà. C'est une pièce qui a été créée le 15 décembre 55 au Théâtre de l'Atelier à Paris. Avec, bon, l'histoire, c'est comme chaque année, M. Chabert accueille dans sa boîte à Bachot, des bacheliers, les recalés de juin qu'ils espèrent voir réussir en septembre. Il y a des incartades, rien ne semble devoir. Oui, Monique, c'est bientôt la pause, je m'en doute pas. Rien ne semble devoir rompre pour la vie tranquille de ce collège chic. Pourtant, l'étrange pouvoir que se découvre Valentin, le surveillant général, va faire exploser la boîte dans un bruissement d'ailes et de cris d'oiseaux. Jérémy. Bon, écoutez, je voulais faire une petite remarque. Josie est un peu malade aujourd'hui. Sous la direction de Frédéric Durand, les 13 comédiens vous entraînent dans un tourbillon de situations cocasses relevées par des dialogues savoureux où le rire est au rendez-vous. C'est une participation de 8€ et vous pouvez avoir les réservations et les renseignements au 04 90 70 59 04 à Jonquière, voilà. Samedi 8 octobre 20h30. Voilà, on va faire une petite pause. Voilà, je reprends l'antenne, je vous mets la pause. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. Quand sur mon corps t'es soupirs me donnent le tempo. C'est le parfait accord de ta peau sur ma peau. Rêve classe et secret défense. Secret défense. Is the way that your ass remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Est-ce normal que je passe mon temps libre à combler tes absences? Combler tes absences. Is the way that your bra remind me of a Katy Perry song. Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. Quand sur mon corps tes soupirs me donnent le tempo. C'est le parfait accord, parfait accord de ta peau sur ma peau. And they play for you, girl. De ta peau sur ma peau. Jamais envie d'être sage. Is it weird that your eyes remind me of a Coldplay song? Coldplay song. Est-ce normal que je sois comme un loup sorti de sa cage? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, Fly FM 89.9 avec Claudie, Jérémy, Monique et toute l'équipe. Ouais. Gilles aussi qui est là. Hein. Heureusement qu'il est là, notre Gilles aussi. Et on va parler, Claudie, encore dans les spectacles. Voilà, on est toujours en sortie culture. Alors, samedi 8 octobre 2016 à 20h30. Nous sommes partenaires avec ce spectacle. C'est un concert gratuit de Julie. Le spectacle s'appelle Juliana. C'est organisé par l'association Café à Bédaride. Alors Julie, elle interprète des chansons françaises et internationales. Elle a participé à un concours de chant sur Simple is the Best de Tina Turner à Malemort du Comtat. Elle a fini première au concours de chant de Roquemort. Et Francesco, qui est notre nouveau animateur musique, c'est sa première émission jeudi. Qui est animateur et professionnel. Et professionnel, c'est un musicien. Va la recevoir, ça sera sa première invitée. Donc je pense que si vous voulez aller à la salle des Verdots à Bédaride, c'est à partir de 20h. Voilà. D'accord, en sachant que samedi 8 octobre, Claudie, c'est le jour de la nuit. C'est-à-dire le jour ou la nuit, il faut savoir. Non, ça c'est... oui, vous nous avez... C'est le jour de la nuit et justement c'est pour sensibiliser les personnes à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Et si vous allez sur le site www.jourdelanuit.fr, vous avez des programmes avec des balades nocturnes, des observations des étoiles, des sorties nature et les installations des lumières. Ah bah écoute, c'est très intéressant. Et c'est, tu m'as dit, à... Où il y a, ah non, là, il y a de pas, partout. Ça, il y a plusieurs endroits. D'accord. Il n'y a pas forcément un endroit particulier. Voilà, moi je vais te parler de la fête de la science à Lourmarin. C'est une manifestation gratuite. On adore ça comme on est radin. Hein. Nous ne donnons pas trop. Ouverte à tous. C'est du 8 au 16 octobre. C'est une exposition mémoire. C'est pour venir percer les secrets de la mémoire. Je pense que En vieillissant, on oublie des choses. Donc, il y a différentes stratégies de mémorisation. Donc, vous pourrez trouver votre solution avec une conférence originale et dynamique de Christine Offray, qui est consultante en communication institutionnelle, spécialisée dans le mode de fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Ça se passe à la Fruitière numérique, 84 160 en Lourmarin. Et vous pouvez téléphoner au 09 67 46 07 40. Très intéressant, voilà. Ça. Oui, oui, je pense que... mais non, mais moi, je fais de tout, mais bon, il y a des fois, les noms des gens m'échappent. Mais c'est pas grave. Bon, tu as encore une petite sortie ? J'ai ce samedi, si tu veux, à Sarrian. Et pendant ce temps, Simone Veil, c'est au... Jeu de mots. Oui, c'est une... Donc, c'est à 20h30, à la salle des fêtes à Sarrian. C'est une pièce qui a été jouée 141 fois à travers l'Hexagone. Ça a été aussi au festival d'Avignon pendant 2015. C'est une histoire, c'est quatre générations de femmes qui se succèdent dans ce voyage, qui s'étend de la lutte pour l'avortement, la procréation assistée. C'est léger, c'est bourré d'humour, ça parle des sujets graves. Ça a été apparemment bien jugé au festival, donc l'occasion d'y aller. Vous pouvez réserver au 04 90 12 21 34. Et c'est 10 euros et c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi les moins de 12 ans. Et la troupe, tu sais pas qui c'est ? Si, attends, je vais te le trouver. Tu me poses une question piège, je sais pas quoi, toi. Ah ben c'est l'examen, hein, c'est un quiz. Hein. Bon, c'est pas grave. Eh ben écoute, bon. Je le vois pas. Si, c'est une pièce mise en scène par Gilles Galliot, interprétée par des comédiennes reconnues telles que Trinidad, Fabienne Chauda, Agnès Bove et Serena Rinaldi. Ah ben très bien. On se fait une pause. Death, the impression that this is a test, a disaster, a national threat. I see the world light up like we're on fire. The roof go up, we're getting high. Rebonjour sur Fly FM 89.9. On me dit de mettre le turbo. Alors mettre le turbo. Claudie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Voilà le fou. Alors les enfants, si vous voulez aller après avoir observé les étoiles, la radinerie pour les sorties qu'il faut pas faire, vous pouvez aller au Champignon, sachant que vous avez la 20e édition des Champignons de Saint-Trini le 9 octobre. Avec les cèpes, les bolets, ça se situe à 859 mètres d'altitude, donc toute la journée, promenade, conférences, marché, dans le bonheur, animation, dédicace. C'est libre, l'entrée et le parking est gratuit. Encore. Ben voilà. Oh là là, on a une chance. Moi, je vais vous emmener faire une sortie insolite. Parce que j'aime bien, il y a des trucs un peu bizarres qu'on ne connaît pas. Alors, ça s'appelle le rocher de Roccalino, ou en provençal, Roccaluna. Voilà, c'est à Baume de Venise, et vous prenez la direction de Lafare-les-Oliviers vers l'est, on passe un gué vers le camping et on remonte le long de ce rocher. Ce rocher constitue un vestige d'une dune formée il y a entre 24 et 5,5 millions d'années. Ouais, bah chaque fois je parce que la mer était là, la mer était là, et oui, vous le saviez. Ah, c'était en effet un bras de mer et les dentelles et le ventoux étaient une île. Ah, si ça pouvait revenir. Hein. Puis quand elle s'est retirée, eh ben, restaient ces dunes érodées lentement par le vent, la pluie. Et ce rocher, dont la roche étant, a été creusé pour donner lieu à des grottes qui ont servi quand même d'habitation jusqu'au XVIe siècle. Fallait le savoir. Mais donc oui. J'ai regardé les photos, c'est vraiment à aller visiter. Voilà, donc Jérémy, puisqu'on bientôt on va se quitter, est-ce que ça marche peux... Enfin, on a été un peu agité aujourd'hui. Oui, mais bon... non, mais je vais la faire très vite. Ouais. donc la page officielle, c'est Night Eden Garden Events Concept, voilà, sur Facebook. Sinon, après, il y a aussi, au-delà de la page, le compte Jérémy Déa Night Eden Garden. Comme ça, vous avez toutes les actualités. Et la Babylone, donc c'est samedi là qui arrive, de 18h à 1h30. Et voilà, là, voilà. Et si vous voulez manger, la réservation 06 99 34 99 65 ou au 06 24 06 39 86. Merci Fly FM. Il a pris les baskets, il est parti en cours. Alors ça, c'est parfait. Allez, à tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Dans le royaume des remords, j'ai peur que tu m'en veuilles. Au départ, on s'égare. Voilà, cette fois c'est mon tour. Je prends l'antenne, je laisse les dames au repos et Jérémy. Alors là, je chausse les baskets. Alors vous avez le dimanche 9 octobre la Trail, un festival de trail, un 12 et un 23 km. Le dimanche 16 octobre, la virade des pieds Caous à Saint-Saturnin. Vous avez deux distances, un 5 et un 10,5. Et vous avez également ça, le dimanche 16 octobre, la ronde des oliviers à Mouriès, une distance de 10,4. Vous vous retrouvez au milieu des oliviers dans la campagne. Ça, c'était pour la course à pied. Maintenant, vous avez également des sorties VTT. Alors, le samedi 8 octobre, au fort de Saint-André, à Villeneuve-les-Avignon, pardon, vous avez quatre distances. Un 15-25 accessible à tous et un 35-45 qui est beaucoup plus technique. Et voilà, une dernière petite sortie le dimanche 9 octobre. Une randonnée à Val d'Aigle, à la Tour d'Aigle. Vous avez également 4 distances, un 15 km accessible à tous, un 25 pratiquement aussi accessible à tous, et c'est régulier, un 35, un 45, c'est un parcours qui est assez physique. Voilà, pour aujourd'hui, l'émission de Bric-à-Brac est terminée. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée vendredi de 14 à 15h. Mercredi prochain, nous recevrons, comme l'a dit Claudie tout à l'heure, le théâtre du Sablier d'Orange. Je dis bye bye à l'équipe. Claudie, Jérémy, au revoir. Mercredi. Au revoir à tous et merci pour votre présence, pour cette émission. On a bien rigolé. Et on vous souhaite une bonne Semaine. Allez, bye bye. Au revoir.